étoilée. Des éclairs, éclats de douleur façonnent au visage blême qui transpire la haine en petites gouttes d'acier trempé. D'acier trempé. De nos cœurs à contre-temps, le corps à corps, le corps à corps s'étend. Nous sommes voiles ludiques sur nos funambulités humaines. Vague rasoir, vague à l'âme, sous les ombres et lumières. Trois immaculés, dix immaculés, nos trois immaculés, six immaculés, mais de nos cœurs à contre-temps, le corps à corps, le corps à corps bien placé. Je joue.